vous avez le droit à une vie de bohème. Parce que vous avez le droit de fabriquer une roulotte pour vivre en pleine nature. Parce qu'avec Sur la route de vos projets, la série de podcasts de la Banque Postale présentée par Ariane Massenet, vous avez le droit de partir à la rencontre de ceux qui ont cru en leurs rêves et les ont réalisés. Découvrez en exclusivité sur les plateformes de streaming tous les épisodes de Sur la route de vos projets. C'est ça, être banque et citoyenne. La Banque Postale. La Banque Postale, intermédiaire du crédit du prêteur. Vous écoutez les Nuits de France Culture. Ainsi se termine cette nuit consacrée à Claude Chabrol, en compagnie de Cécile Mestre Chabrol et de Thierry Jousse. Pour finir cette nuit Chabrol, avant de nous quitter, pour ceux qui ne connaîtraient rien du cinéma de Claude Chabrol, quels seraient les, disons, 5 films de lui que vous lui recommanderiez de voir ? Thierry Jousse. Un exercice très délicat, mais enfin bon, il a fallu faire un choix. Donc, dans l'ordre chronologique, on va dire Que la bête meurt, Juste avant la nuit, donc c'est 71, je crois, Violette Nozière, qu'on a déjà évoqué, Inspecteur Lavardin, qui est le deuxième film d'un diptyque avec Poulet au vinaigre, et pour terminer, La fille coupée en deux, pas seulement en hommage à Cécile, en hommage, enfin, merci. Voilà, à Cécile, mais aussi parce que c'est mon film préféré des derniers Chabrol, disons de ceux des années 2000, quoi. Et en quelques mots, pour quelles raisons? En quelques mots, c'est difficile, hein, parce que au fond, j'aime moins la période Nouvelle Vague, donc j'en ai pas pris de cette période-là, même si voilà, il y a des films que j'aime quand même. Que la bête meurt, parce que pour moi, c'est peut-être Que la bête meurt juste avant la nuit, c'est des films qui pour moi sont incontestables. C'est aussi vrai pour Le Boucher d'ailleurs, mais enfin bon, voilà, c'est des films qui ont une puissance, je trouve, qui garde très très grande encore aujourd'hui. Violette Nozière, parce que pour moi, c'est le plus beau rôle d'Isabelle Huppert chez Claude Chabrol, et que dans la part féministe, c'est vraiment un film important. Inspecteur Lavardin, parce que j'ai une passion pour Jean Poiret, et que j'adore la façon dont Chabrol fait revenir Jean-Claude Brialy et Bernadette Lafont, qui sont liés à ses débuts, voilà, comme personnages du passé dans Inspecteur Lavardin. Il y a un côté assez mélancolique et en même temps très drôle dans le film. Et puis La fille coupée en deux, parce que je trouve que c'est un film central dans la problématique quand même dont on parlait, des rapports entre la pulsion, l'apparence, la bourgeoisie, enfin, et que je trouve le film très fort, y compris dans des partis pris qui sont assez culottés, c'est-à-dire faire jouer Benoît Magimel d'une manière semi-grotesque, ce qui est très casse-gueule et qui marche en même temps très très très bien, quoi. Cécile Mestre Chabrol, les 5. Moi j'ai mis Les Bonnes Femmes, on dirait un jeu télévisé. Les Bonnes Femmes, Juste avant la nuit, Betty, Une affaire de femme, et j'aimerais bien rajouter un genre de Nada ou de Dr Popol, parce que c'est des films alors difficiles à voir malheureusement pour moult raisons, mais c'est des films poilants. Il faut quand même aussi regarder Les Tigres, c'est quand même assez poilant. Enfin, il y a tout un tas de trucs. C'est vraiment le buffet garni, buffet campagnard. Moi, j'ai choisi le classicisme. C'est normal, Thierry, on se complète. À quand une rétrospective de l'intégrale Chabrol et des éditions DVD dignes de ce nom, Cécile Mestre Chabrol ? Où en est-on des problèmes de droit, d'exploitation, de diffusion, qui nous privent de beaucoup de ces films ? J'aimerais tellement pouvoir vous répondre, Alban. C'est extrêmement compliqué parce que il y a 58 films. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la famille Chabrol n'est pas propriétaire de ces films. Nous ne sommes pas propriétaires des films de Claude Chabrol. Ils sont aux mains de distributeurs. Et la distribution est un métier complexe. Et ce n'est pas toujours facile de le faire d'une façon tout à fait adéquate. C'est un autre métier. Je ne sais pas répondre à votre question. Je souhaite le plus vite possible. Je pense que même on pourrait imaginer une rétrospective qui soit pas forcément de toute son œuvre remasterisée, parce que on se prive d'une rétrospective d'un cinéaste essentiel. Et finalement, ça fait la part belle à des distributeurs qui, je n'ose pas dire, font pas exactement ce qu'on attend d'eux, mais au fond, c'est un petit peu ce que je pense. Il faut dire que c'est plus facile d'organiser une rétrospective Jean-Pierre Melville, Jacques Demy, Maurice Pialat, Robert Bresson, qui ont tous fait, je crois, 13 films, 13 longs métrages dans leur vie, et dont les œuvres est beaucoup plus identifiée. Alors que là, il y a les problèmes juridiques, puis ça part un peu dans tous les sens. Mais je crois incroyable quand même qu'il n'y ait pas une politique de restauration un peu systématique de la part du CNC. Alors ça vient sans doute de problèmes juridiques, en effet. C'est très complexe. C'est vrai, mais c'est quand même très très dommage. Merci Cécile Mestre Chabrol et Thierry Jousse d'avoir partagé avec nous cette nuit consacrée à Claude Chabrol. chargée de cette émission Hassan Mbechour, à la technique Ludovic Auger, à la réalisation Virginie Mourté. Alban Penaranda et l'équipe des Nuits de France Culture vous souhaitent une excellente journée sur notre chaîne. Vous pouvez télécharger pendant un an et réécouter quand vous voulez cette nuit Claude Chabrol sur le site franceculture.fr à la page des Nuits. Nous nous quittons avec une chanson de Michel Jonas, Changez tout, qui accompagnait une des rares fins de films heureuses de Claude Chabrol, celle de Rien ne va plus. Fin de film heureuse, fin de nuit heureuse. Très bonne journée à vous, Cécile Mestre-Chabrol et Thierry Jousse. Merci. Merci Alban. Très bonne journée à toutes et à tous. Et dès ce soir, à minuit, retrouvez Le bon plaisir de Claude Chabrol au micro de Jean-Pierre Pagliano en 1987. À noter la parution de Tout Chabrol de Laurent Bourdon aux éditions Leitmotiv, préfacée par François Berléand. Je veux aller où l'air est plus doux, où la colombe vole en dessous, où le printemps entre un jour comme un fou. Vous saisis au revers, au détour d'un chemin vert, et vous dit ça va pas comme ça. Changez tout, votre monde ne tient pas debout. Changez tout, changez tout.